Hop là. Alors je sais pas si je t'avais expliqué un peu c'était pourquoi, enfin je t'avais envoyé email du coup, ouais. T'as vu le temps de checker un peu ce que c'était? Je te cache pas, c'était il y a longtemps, donc du coup, vas-y. J'avais une espèce de reportage en fait à faire en cours de web, ouais. Où je comptais réutiliser en radio du coup avec l'utilisation du Zoom, où en fait je vais traiter du podcast comme nouveau support d'information. Ouais. Parce que toi ça fait depuis 2009. Ouais, 2008, ça fait 6 ans maintenant qu'on fait ça. Parce que j'étais au lycée, début lycée quand j'ai commencé à écouter l'apéro. D'accord. Du coup, ça remonte aussi. Donc c'était pour expliquer. Est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient en fait déjà le podcast? Alors le nom. La définition, le nom, ouais, rapidement. Alors le podcast, en gros, plus qu'un type d'émission, c'est plutôt un. Techniquement, c'est une méthode de téléchargement. C'est plus du téléchargement d'émissions que tu vas écouter. Le podcast. D'ailleurs, je crois que c'est un terme qui a été inventé par Apple au moment où ils ont lancé iTunes, dans je sais plus quelle version. Ça joue dessus en fait. Ouais. Si tu décortiques, c'est pod qui vient d'iPod, voilà, podcast qui vient de broadcast. Exactement. Donc, en gros, le podcast, contrairement au streaming, c'est vraiment le téléchargement d'un fichier audio que tu vas écouter plus tard. Après, c'est très très vaste comme définition et personne n'est d'accord dessus. Donc, souvent, on oppose donc le podcast qui a plutôt un côté entre guillemets amateur par rapport aux radios. Donc, il y a la catch-up radio qui, pour le coup, c'est des émissions de radio qui sont disponibles plus tard sur le net. Mais bon, après, chacun sa définition, donc c'est pas évident à expliquer, quoi. Qu'est-ce que tu veux, du coup, est-ce que tu considères, par exemple, ce que font les youtubeurs en termes de contenu comme du podcast? Pas vraiment, c'est différent, c'est très différent. Parce que déjà, la vidéo, bon, il y a des podcasts vidéo, mais je sais, la plupart des podcasts et des podcasteurs qui font de l'audio rentrent plus dans la définition. Parce que télécharger un fichier et l'écouter, tu peux le faire partout. Souvent, la vidéo, les podcasts vidéo, tu restes quand même devant un écran. Enfin, je sais que moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal sur le fait de regarder du podcast vidéo quand je suis dans les transports ou autre. C'est différent, mais oui, on peut appeler ça aussi du podcast. Ça reste quand même, pour moi, ça reste quand même très différent dans le processus. Ne serait-ce que parce que la vidéo demande beaucoup de boulot, beaucoup plus que ce que nous, on fait en audio, par exemple. C'est vachement plus simple, ne serait-ce que le fait de traiter uniquement l'audio ou la vidéo avec. Oui, déjà, oui. Alors, ne serait-ce qu'au niveau du montage. Alors nous, après, on a une technique qui est différente. C'est-à-dire que comme on fait du live, entre autres, depuis le début, parce que ça nous oblige à faire une émission où on ne va pas se couper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause, on enregistre la condition du direct. Ce qui fait qu'après, on a très peu de montage à faire. Enfin, en théorie, on a très peu de montage. Ce qui se voit aussi dans vos épisodes, parce que du coup, d'un lundi, maintenant c'est deux lundis sur deux, ouais. C'est bimensuel. Ouais. Tu as des épisodes qui peuvent durer 2 heures, comme 3 heures, 4 heures. Oui. C'est assez aléatoire. Bah, on se fixe pas, on n'a pas de limite technique, parce qu'au final, tout ce qu'on fait, la seule limite qu'on a, c'est nous, quoi. À partir du moment où on se prend pas. Au début, on voulait se fixer, tout début, on voulait se fixer 1 heure de podcast. On s'est vite rendu compte que c'était irréalisable. Après, on est... C'était irréalisable pourquoi? Parce que qu'on est 4, chacun ayant une rubrique, on sait qu'au minimum, on va passer 1h30 dessus. Et 1h30, c'est vraiment le minimum, parce que les premières rubriques qu'on fait, qui sont donc les rubriques de news, au minimum, on a une demi-heure. Et même là, comme on discute sur chaque sujet, même si on réduit le nombre de news à 5-6, on voit qu'avec les discussions, on peut faire difficilement en dessous d'une demi-heure. Donc, quand tu multiplies par 4 personnes... On arrive vite aux 2 heures qui sont vraiment la limite base de ce qu'on fait. Tu parlais tout à l'heure, enfin même maintenant, justement, en termes de ta phrase de limitation. Oui. Ça demande quoi comme travail en amont, justement? Ça dépend. Ça peut demander beaucoup de boulot quand tu fais un dossier, où là, pour le coup, tu as besoin vraiment d'avoir des sources, et tu vas aller passer des heures à rechercher des sources, à rechercher de l'autre côté, à trouver aussi des contre-arguments, à valider tout ça, et à faire un dossier qui soit un peu structuré, comme ça peut prendre très peu de temps dans le cas des news. Souvent, on va aller chercher sur le net dans la journée. Honnêtement, en 5 minutes, et même on a déjà fait des épisodes totalement improvisés où on regardait en direct et on parlait en direct. C'était la question que je me posais justement, ce qui est ce côté un peu, on fait un peu tout et rien en même temps, c'est libre antenne, etc. Mais quand même, ça reste sérieux en amont. Il y a vraiment un travail, un vrai travail de décortiquage. On a à l'écoute des fois, ça sent. Enfin, vous maîtrisez votre sujet du coup. Ouais, alors ça pas sur tous, hein. Des fois on raconte des grosses conneries, ça arrive souvent même. Mais moi comme je fais plutôt les news, alors après je fais aussi des dossiers où auquel cas effectivement je bosse. Moi en ce moment, parce que c'est clairement une question de temps, et un dossier en gros ça demande au minimum une dizaine d'heures de boulot. Si tu veux faire un truc vraiment qui soit sérieux, solide, et ouais, qui soit vérifié. Bien solide, dizaine d'heures de boulot, c'est à mon avis c'est le minimum, à moins que ce soit un sujet qu'on connaisse très bien. C'est déjà arrivé, par exemple, j'avais fait un sujet sur les noms de domaine, je connais bien parce que c'est mon métier, et pour le coup j'avais dû faire 1 heure de boulot pour rechercher 2-3 sources, mais dans l'ensemble j'avais très peu de travail à faire dessus. Mais un dossier sur un thème qui nous intéresse, parce que on bosse de toute façon, on fait un dossier, on bosse sur quelque chose qui nous intéresse, qui nous a interpellé d'une façon ou d'une autre. Et là, pour le coup, c'est pas mal de boulot quand même, 10 heures. Les news, souvent, moi, ça me prend une heure ou deux, le temps d'aller chercher, de sélectionner ce qui est intéressant. Des fois, ça m'arrive même pendant l'émission de voir que ça, il y a des news qui rentrent pas dans l'ambiance, donc je la fais sauter, ou de d'aborder un autre sujet que j'ai pas préparé, où je sais que nos intervenants, parce qu'on a souvent des invités, eux vont pouvoir en parler. Alors là, pour le coup, on parle énormément d'informations. Est-ce que pour toi, le podcast, ça peut être l'avenir des médias? J'ai checké ça un peu sur le net, quelques blogs amateurs, des aficionados. Ouais, c'est difficile à dire. Je suis pas vraiment sûr. Le problème, c'est on revient toujours à la définition du podcast au final. Qu'est-ce que c'est que le podcast? Si tu restes, pour beaucoup, le podcast, c'est le côté amateur où on n'a pas, y a rien qui nous est imposé. Nous aujourd'hui, on fait un podcast. On n'a pas besoin de financement. On est financé parce que c'est vrai qu'on est. La table est bien garnie. ouais. Encore ça c'est mon matos à moi. C'est pas le matos, l'apéro, la cave. On a beaucoup plus de matos que ça et c'est du matos plus pro. Mais on a un podcast de base. Quelqu'un qui veut se lancer, ce que je dis souvent, ce qu'on pose souvent les questions, ça demande quasiment rien. T'as un ordinateur, t'as un micro, même un mauvais micro, tu peux faire du podcast. Tu peux. 24 heures après, sur iTunes. C'est quoi en fait vraiment le truc pour faire un podcast, pour en lancer un? Pour lancer un, je dirais surtout faut que ça t'intéresse quoi. Faut, je vais pas dire de la passion parce que c'est un peu exagéré, mais faut vraiment que t'aies envie de le faire. Parce que ça demande, surtout si tu veux faire quelque chose de régulier, ce qui est important, parce que sinon tu vas vite perdre. Enfin, le truc qui motive aussi dans le podcast, c'est le fait de savoir que t'es écouté et d'avoir des retours par rapport à ce que tu fais. Et nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a toujours motivé, qui nous motive encore parce que on voit qu'il y a 200 personnes en live, qu'on a sans arrêt des emails qui nous posent des questions et tout. Et surtout, on rencontre plein de monde. Et je ne me rappelle plus quelle était la question. Dis-moi. La question, c'était qu'est-ce qu'il fallait pour lancer un podcast? Oui. Techniquement, pas grand-chose. Il faut du temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis, il faut un peu de passion aussi, parce que c'est vrai que c'est des fois, c'est pas évident à faire toutes les semaines ou toutes les deux semaines, même tous les mois. Donc, si t'es pas motivé, faut beaucoup de motivation. Justement, vu que je posais la question par rapport à est-ce que c'était l'avenir des médias. Oui, alors. Est-ce que les acteurs de ce support, en fait, sont des journalistes à part entière? Est-ce que toi, par exemple, Siegfried Touvenot, tu te considères comme un journaliste? Non, du tout, non. Déjà, on n'a aucune déontologie, ça c'est important, parce que sinon on ferait pas ce qu'on fait. Pas en avoir une, c'en est une déjà. Oui. C'est pas faux. Non, mais pas des journalistes, on est. C'est plus du talk show que. Il y a des analyses, mais c'est pas des analyses qui sont très poussées, c'est pas des analyses qui se veulent forcément sérieuses. Est-ce que je peux faire un parallèle? Justement, j'ai découvert le podcast au moment où mon père m'emmenait énormément à l'école, et dans sa voiture, c'était RTL, et notamment les grosses têtes qui tournaient. Et c'était un peu les grosses têtes, c'est un peu talk show. Ouais. Et en même temps, on apprend énormément. Ouais, c'est vrai, on nous l'a déjà dit. Juste ce ressenti-là, en fait, en écoutant l'apéro. Ouais, tout à fait. Mais l'apéro, avant tout, nous, ce qu'on fait, c'est, on est une bande de potes, on se connaît depuis plus de 20 ans. Et ce qu'on fait derrière le micro, on a commencé comme ça, et aujourd'hui, il y a toujours cette base. On a les discussions qu'on avait avant, qu'on était autour d'une bière et qu'on discutait entre nous. Alors évidemment c'est plus structuré parce que tu peux pas non plus faire bon ça enregistre c'est bon merci. Ok, c'est le principal. Je connais des problèmes d'enregistrement aussi, donc c'est vraiment entre nous, on est comme une bande de potes, on est toujours une bande de potes d'ailleurs, et on discute de sujets qui nous intéressent. Mais après, dire qu'on est journaliste, non, je pense qu'aucun d'entre nous prend pour un journaliste, d'autant plus que on a effectivement des rubriques comme la rubrique tech, comme les dossiers qui sont un peu plus recherchés, où il y a quand même un peu d'analyse dessus, on fait de l'historique sur les sujets, etc. Mais après, on fait aussi du divertissement. Et tu parles des grosses têtes, c'est vrai que la rubrique de Manox ou les actus un peu what the fuck de Quacos, c'est du divertissement. C'est pas, on cherche pas à aller réfléchir à. Alors Manox, ce qu'il fait en fait, c'est il réinterprète des personnages souvent. Ouais, entre autres. Ou alors il a des dossiers aussi. Ouais. Pourquoi cause, c'est le What's Up, c'est la revue un peu des infos insolites. Voilà, exactement. Et alors, si on veut détailler le podcast, donc on a une news tech où on parle de news technologiques, même si souvent, vu qu'on a un mois de retard sur les publications, c'est plus vraiment des news. Mais bon, voilà. Ensuite, on a soit un dossier donc de l'ordre de ton père qui lui bosse là-dessus, qui est juriste de formation, donc qui a. C'est sûrement celui qui a le plus de bagage entre nous, celui qui fait les meilleurs dossiers, parce qu'il les bosse beaucoup. On a Manox, qui donc fait soit un personnage, soit de la chanson, donc là... Plus on approche de la fin du podcast, en fait, plus on est dans le divertissement, on commence par des trucs un peu plus sérieux. traité de notre façon, mais un peu plus sérieux. Et on termine par effectivement le What's Up de Quacos, où c'est de l'info insolite qui est où on réagit dessus, mais bon, voilà. Justement, ça me permet aussi de parler. Je voulais parler de Patrick Béja, ouais, dont je t'ai parlé par mail, ouais, qui est un peu un ovni. On peut dire ça ou pas? Que c'est un ovni dans le milieu du podcast. Non, non, non, Patrick, j'ai encore mangé avec lui il y a une semaine. C'est Patrick, déjà, c'est un passionné, vraiment. C'est un passionné depuis le tout début. Il a commencé avant nous. Je crois que c'était en 2005 avec le, avec le podcast Azeroth. Ouais. Et il arrive aujourd'hui, il a quitté son job, mmh, il travaille chez Blizzard. Ouais, il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, ça fait à peu près quoi? 5-6 mois, à peu près, qu'il arrive à vivre via le financement participatif. Ouais, il ouais, arrive ouais à dégager à peu près 2400, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, je crois qu'il gagne 4000 $ par mois de chiffre d'affaires. Attends, hop. Bon, ok, c'est Quacos, mais je crois qu'il y a des trucs à faire. Je crois qu'on verra après. Donc, ouais, ouais, 4000 $ par mois de chiffre d'affaires. Alors après, quand tu as 4000 $ de chiffre d'affaires, ça veut pas te dire que tu touches 4000 $. T'as plein de frais en amont, t'as, bah, ne serait-ce que parce qu'au bout d'un moment, t'es obligé de passer en entreprise. Bon, c'est lui qui t'en parlera mieux que ça. Nous, on a fait le choix, effectivement, puisqu'on reçoit de l'argent, on a une formule, entre guillemets, VIP, où les gens peuvent recevoir les podcasts un peu plus tôt. Mais c'est avant tout un soutien. C'est pas les gens qui s'abonnent et qui nous donnent de l'argent, c'est avant tout un soutien. C'est pas, c'est, ils payent pas pour avoir quelque chose en échange. On le voit parce que la plupart, la seule chose qu'on envoie en retour, c'est une newsletter qu'on envoie toutes les deux semaines à peu près. Et il y a la moitié des gens qui l'ouvrent même pas. Donc, c'est la preuve que ils le font avant tout pour nous soutenir. C'est avant tout un geste. Ouais. Ouais, de soutien. Ouais. Et Patrick, c'est un ovni. Non, c'est un mec qui est vraiment passionné, qui fait des trucs qui sont super carrés, qui lui, pour le coup, a vraiment, je pense que si la personne qui se rapproche le plus d'un journaliste, ce serait éventuellement lui, parce que lui, vraiment, il a des analyses qui sont assez, assez poussées sur tous ces sujets, c'est très sérieux dans l'approche, et en même temps, ça reste super intéressant, ça reste fun, c'est pas non plus quelque chose. Est-ce qu'on peut en voir d'autres, justement, des personnes qui arriveraient à dégager assez de profit pour en vivre, hein, du podcast? En France? En France, on n'est pas nombreux, quoi. Nous, c'est pas notre cas parce qu'on est quatre. Patrick, lui, est tout seul. Donc, effectivement, quand t'es tout seul sur une émission, voilà. Et encore, une fois que t'as retiré toutes les taxes et tout, c'est pas évident. Nous, on est quatre, donc c'est même pas la peine d'y penser parce que on gagne moins que lui et si ça serait pas jouable. Après, en dehors de ça, ce qu'on peut considérer comme du podcast semi-professionnel, mais qui sont affiliés à des réseaux, ça peut être, alors j'en ai pas en tête, là, mais il y a la chaîne Tech ou la chaîne Techno. Je me souviens plus de leur nom, qui sont pour le coup des journalistes radio à l'origine et qui ont développé à côté leur truc. Je me rappelle plus exactement comment c'est diffusé, mais à part ça, non, on est très peu. C'est très différent des États-Unis. Aux États-Unis, t'as vraiment des réseaux, bah, comme celui de Léo Laporte par exemple, qui eux rapportent de l'argent, qui ont vraiment des grosses structures et qui ont gardé ce côté, je vais pas dire amateur, mais qui ont gardé ce côté un peu. Ce ton en tout cas. Ouais, ce ton. Ouais, Quacos. Bonsoir. Donc, je t'en avais parlé, tu sais, pour l'interview, si ça t'as... Va. Ça va. Ça va, ça va. C'est, on s'est casé. Si t'as des questions à poser à Quacos, c'est le moment, notre ingénieur. Ah, oui. S'il nous reste quoi, 15 minutes à peu près? Oh bah sinon, on peut refaire un... Ouais, ouais, on a un peu short en temps, on a organisé ça à la dernière minute. Ok, d'accord. Ok, donc... Pour résumer ça, en ouais France, pas pour tout de suite, on pourrait y tendre. Ouais. On est un peu en retard par rapport aux States. C'est pas la même façon de penser. C'est pas la même culture. C'est pas non plus en France, on a quoi? On a 65 millions de personnes. Aux États-Unis, c'est ne serait-ce que par la langue. Que par la langue, ouais, tout à fait. En termes francophones, nous, on a des gens qui nous écoutent un peu partout, principalement en France. On a beaucoup d'expats à l'étranger, Belgique, Canada, on en a aussi. Mais c'est vrai que quand tu compares ça par rapport aux pays anglophones, c'est vraiment très petit. Et puis, on a le plus gros problème, à mon avis, si tu dois comparer les deux, c'est les sponsors. Léo Laporte, par exemple, donc si tu prends Tweet.tv, ils ont des gros sponsors. Et aujourd'hui, en France, on l'a vu avec No Watch, c'est pas évident de trouver des annonceurs qui vont payer No assez Watch, pour financer. No Watch qui avait la volonté de créer une grosse maison, en fait. C'était une grosse maison qui regroupait plusieurs podcasts, audio comme vidéo, ouais, et qui a plongé en 2012. Alors, je crois que t'en parles à 2013, à Jérôme, ouais. Jérôme Kainborg. Ouais, 2012, peut-être, effectivement. C'est pas évident, parce que plus t'es nombreux, plus il faut que tu finances, plus c'est compliqué en termes d'organisation. Qui eux, pour le coup, avaient pour sponsor principal Numéricable. Ouais, mais alors ça a pas duré longtemps. Numéricable a été avec eux pendant, je crois, 6 mois, quelque chose comme ça. Après, je te dis, c'est lui qui t'en parlera mieux que moi, parce que moi, je faisais pas partie de Nowatch. Nous, on a fait Freepod, qui était une assoc. On n'avait pas d'objectif financier. Ce qui n'était pas le cas de Nowatch, parce qu'ils avaient une structure, ils avaient vraiment une société. Donc, ne serait-ce que les événements qu'il y avait sur, à la Japan Expo Comic Con. Ouais, oui, bah oui, déjà, rien que ça, c'est de la thune, parce que quand tu dois, tenir un stand, enfin, déjà, acheter l'emplacement d'un stand à Japan Expo, c'est plusieurs milliers d'euros. C'est quelque chose qu'il faut, pour avoir les épaules solides pour pouvoir se payer ça, quoi. J'avais une autre question aussi. Du coup, vu qu'il y a une grosse source d'informations, certains podcasteurs fournissent un travail journalistique. Ouais. Est-ce que ça peut devenir une première source d'information, le podcast? Est-ce qu'on peut s'informer uniquement par podcast? Ça dépend de quel type d'information tu recherches. Si tu recherches des podcasts politiques, par exemple, tu vas pas en trouver des masses. Et puis, t'as toujours... On n'est pas des journalistes, une fois de plus. Donc, tu peux, sur certains sujets, je pense que tu peux. Par exemple, sur la technologie, c'est vrai que tu écoutes le rendez-vous tech de Patrick. Effectivement, tu as une vue globale de ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Alors, tous les sujets sont pas abordés, mais tu peux, uniquement avec ça, avoir déjà une source d'information qui te donne un aperçu de ce qui s'est passé. Sans rentrer dans les détails, évidemment, mais vraiment un aperçu des faits et une analyse derrière. Qui te permet d'avoir déjà une vue globale, si tu veux, sur les événements. Sur d'autres sujets, effectivement, comme la politique. Il y a eu des podcasts politiques, entre autres Polygeek, qui était, ça devait être vers 2010-2011. Ouais. Qui sont des copains aussi. Mais qui restent tout de même dans le numérique, vu que l'idée, c'était de mélanger actualité politique avec actualité geek. Ouais. Mais alors, enfin, tu vois, c'est la différence entre journalistes et chroniqueurs, parce qu'en fait, ils avaient leur avis, c'était aussi orienté, très orienté. C'était pas un point de vue neutre où t'as un journaliste qui essaye de, enfin, tu vois, de contrebalancer. Mais le podcast était balancé, justement, parce qu'un des animateurs était plus, on va dire, orienté à gauche. C'est un contre quatre, c'était pas évident pour l'orientation. Non, je pense pas encore que ce soit le cas, tu peux pas, mais je suis pas sûr que le podcast se veuille comme un remplacement des médias traditionnels, hein, même. C'est pas notre objectif. Nous, on fait notre truc dans notre coin. C'est assez, ça nous amuse beaucoup. On y prend beaucoup de plaisir, mais on n'a pas la prétention de vouloir remplacer demain BFM TV, quoi. Heureusement. Ouais, ça serait assez particulier. J'avais perdu ma feuille avec les questions. Oui, il y a une application sur Android. Je crois qu'elle est peut-être disponible sur iOS, mais pour pas dire de bêtises, qui s'appelle Podcast Addict, qui référence énormément de podcasts. Mmh. Ça serait quoi en fait pour un podcasteur? Par quoi est-ce qu'il devrait passer justement pour être référencé ou pour ressortir un peu? Aujourd'hui, c'est quoi? Ou pour lister? C'est iTunes, même si ça tend à descendre parce que iTunes, il faut l'avoir installé sur son ordinateur ou alors il faut avoir un iPhone parce que maintenant l'application podcast est directement intégrée. Donc iTunes principalement. T'as plein d'applications, t'as Podcast Addict aux États-Unis, t'as Stitcher. T'as plein d'applications différentes, mais aujourd'hui principalement, en tout cas nous c'était le cas en 2009 qu'on a commencé, c'était iTunes. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais ça reste vrai, c'est vrai que c'est une des principaux, un des principaux, comment dire, médiums qui permet de te faire voir, de te faire connaître. Parce que le problème c'est de se faire connaître. Donc après t'as tous les réseaux sociaux, et ça c'est une autre. Techniquement, il y a pas énormément de plateformes. Donc t'as SoundCloud, iTunes, t'as les applications comme Podcast Addict effectivement. Voilà. Donc, mais c'est un gros boulot de quasiment du community management, parce que tu passes beaucoup de temps à dire, ah bah voilà, il y a tel épisode qui est sorti, on parle de ça. Alors évidemment, t'as ton propre site web, c'est le cas pour quasiment tout le monde. Où ça va, vous passez par Twitter, du coup, c'est un peu plus... On passe par, ouais, principalement par Twitter, parce que déjà, c'est un moyen d'avoir un contact direct avec les gens qui nous écoutent, ça c'est super. Aussi, ça nous permet d'avoir des invités, parce que tous nos invités, quasiment presque tous, on les contacte souvent au premier par Twitter. Ça nous permet d'avoir un contact direct, ce qui est pas le cas quand tu passes, je sais pas qui on a eu par exemple. Tu prends Diego Buñuel par exemple, qui est actuellement le directeur des docs chez Canal+, qui a fait une série documentaire qui s'appelle Ne dites pas à ma mère, qui est reporter de guerre, qui a fait énormément de choses. On a pu l'avoir parce que sur Twitter il avait son compte perso qui gérait lui-même, qui répondait lui-même aux questions, et donc il a suffi de lui envoyer un message et de dire tiens, tu voudrais venir faire un podcast avec nous. Si ça avait, il avait pas eu de compte Twitter, je sais pas comment on aurait fait. C'est facile du coup en fait d'inviter. Ouais. On n'a pas de filtre entre nous et la personne qu'on veut contacter directement. Les gens viennent assez facilement. Si on peut dire rapidement, vous avez reçu Kasuni, vous avez reçu Diego Buñuel, vous avez reçu Renan Luce. Ouais, alors Renan, c'est différent parce que c'est un copain, mais ouais, on a reçu plein des gens. De tout genre, de tout milieu. Ouais. Bah, c'est ce qui nous amuse aussi, c'est de rencontrer. C'est, pour nous, c'est le meilleur truc du podcast, c'est de pouvoir rencontrer autant de personnes différentes. Vraiment, on a, en 5 ans, on a rencontré plein de gens, beaucoup qui sont devenus des amis, vraiment, qu'on voit souvent. Et puis, c'est vrai que c'est des rencontres incroyables. Par exemple, on a reçu Corbier, si tu veux. On le connaissait un peu parce qu'on avait suivi ce qu'il faisait. Et Corbier, c'était marrant, qui est... Alors, Corbier, qui était, alors à l'époque, pour ceux qui ont plus de 30 ans, il était animateur dans une émission télé, c'est Club Dorothée, entre autres, où il faisait des conneries. Mais c'est un vrai chansonnier qui a vécu plein de choses dans les années 60. Et c'était super de pouvoir l'interviewer, quoi. Alors, il nous reste 5 minutes à ma montre. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Écoutez-nous, file-nous de l'argent. Non, je sais pas, pas grand-chose à ajouter, quoi. Juste que c'est chouette d'avoir. On nous parle souvent du côté radio libre. Alors, je sais pas si c'est exact parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas connu la radio libre. C'est au début des années 80 mais c'est vrai que dans le ton, le fait d'avoir personne derrière qui va contrôler ce qu'on fait. On parle beaucoup du CSA qui un jour, enfin qui s'intéresse à Internet, qui aimerait bien pouvoir contrôler ce qui se passe dessus. Mais là, aujourd'hui. Je vais pas parler d'autocensure. Disons qu'on sait où s'arrêter, mais on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Sur iTunes, le seul truc, c'est de l'hébergement, donc on poste nos podcasts dessus. L'hébergement qui peut se faire à l'étranger, du coup, pour éviter ce genre de problème. Ouais, tout à fait, exactement. Et c'est, si un jour on avait vraiment un problème avec le CSA, bon, je suis pas en un truc juridique, mais c'est probable qu'on pourrait se faire héberger à l'étranger, même en enregistrant en France. Je pense pas que beaucoup de monde aurait le contrôle dessus, quoi. Encore qu'avec les filtrages des sites aujourd'hui et tout, c'est encore un autre sujet. Mais ouais, c'est surtout cette liberté de parole, c'est ce qui nous plaît le plus, et puis c'est les grands avantages du podcast, quoi. Je crois qu'on a dit sur le podcast, nouveau support d'information. Si t'as des questions à poser, mais quoi qu'on se... Enfin, peut-être, parce que un de ces quatre après le concert, t'auras peut-être plus de temps, parce que je pense que toi aussi, t'auras plein de trucs à lire, sur le côté technique, et puis Manox aussi, sur le côté... Tu cherches quelque chose? Oui, je sais. Ah bah alors là, j'en sais rien. Ouais. Bah merci beaucoup, c'est un plaisir.